Diacho, Amenzo, Sad, Place, Pollen et les Brigadiers pour Brouza et Sylvestre, la part de Luciano. Je représente bien la FF, la mine. J'ai le cœur en pierre au mic sur une version meurtrière. Honneur à nos mères et nos pères. Ma prière, je suis la voix hip-hop. Je suis la voix de mes potes. Si tu vois un gabarit sec, style délinquant d'époque, c'est moi. S'il y a du bruit, les tiens et les miens seront compris. Retiens bien, grand. Y'a pas de connard ou de porc dans mon clan. Tu dis que je mange juste devant un procès verbal ou quand je donne à manger fric sale. Pleine violence verbale contre les mairies. L'état, les poulets pourris, ils méritent. Pour ça, je céderai pas, viens en Paris. Je jure devant la Vierge Marie. Je ferai jamais de chanson comme petite Marie. Nique les mensonges sur mon compte, je me torche le cul avec. Me voilà à l'action du con, vaut mieux faire avec. Je reste un jeune du béton, ma vie c'est ça. Échouer seul risque à courir à la grâce de Dieu, gars. Puis ça, mes frères qui représentent. Demande à King Chu si on est des faux ou des fous. Juste des mecs qui représentent comme Luchu. Je rappe et on dirait que je parle. Simple MC avec 5 ans de métier. Je remercie mon quartier ainsi que Bonnie Diel par amitié. Je nique tout dédié à ma famille, Marseille et au groupe qui aide le hip-hop, c'est tout. C'est de la vision. Lui c'est IAN. Fallait que tu le rencontres pour un jour et pas. To me, like a dream, smothered in hash smoke. Living life trife, I'm at the end of my last rope. Desperado, feeling no sorrow with the 9 bus. Bad boy affiliation got me on the hush, hush. Official Queens murderer, I know you heard of us. Even niggas in the pen, yeah, you got word of us. Cutthroat killers, gypsy gun killers. Marseille scream way if you motherfucking feel us. I seen kids die, trying to test the sky. On the corner, where only street rules apply. Selling get high, get the bruising never sit ya. Blazing at the weak ass crews to get rich. A Marseille's a prediction, that's fact, not fiction. You PD boy crews don't wanna hear no contradiction. A ta-ta, and yo, I'm fucked up off the lie. Queens niggas represent, so that's a hard to climb.